désert s'ouvre sous un ciel de feu. La poussière danse autour des silhouettes bleues. Riders qu'ils chevauchent, ombre solitaire, chaque pas grave son nom dans la terre. Les murs du salon tremblent de peur. Le piano s'éteint quand résonne l'honneur. Un regard suffit pour tracer la loi. Dans le Far West, tout s'écrit au col froid. Visage fermé se cache au volet. Les pas du cowboy font trembler les pavés. Sous son chapeau, un éclat brûlant. Raides qu'il marche, le monde est tremblant. Gunsmoke, horizon, fire in the sky. Whiskey, blood and a cowboy's cry. Texas soul. Des croix de bois. Chaque nuit saigne dans les plaines froides. Mais la route appelle, le feu consume. Raiders qu'il avance malgré la brume. Les étoiles brillent sur les tombes passées. Chaque nom gravé dans la poussière glacée. Le whisky calme les plaies ouvertes, mais l'ombre du colt ferme la porte. Hurle les secrets. Chaque cri résonne comme un passé brisé. Raiders qui lève son verre vers l'horizon. Dans la fumée, il trouve raison. Sous la lune pâle, les coyotes chantent. Le cowboy marche. D'ouest, Riders qu'il survit, Cowboy céleste.